Merci d'être venu pour cette première causerie de l'automne, on va dire, enfin de la fin de l'année, parce que l'année n'est pas finie. Donc aujourd'hui, on a ceux qui ne connaissent pas le Syrah, après on peut faire une présentation, on boit autour d'un verre et puis je peux expliquer comment on fonctionne. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Louis Mohan de Paul. Il nous expliquera pourquoi ces deux prénoms tout à l'heure, je pense. Donc on se connaît depuis très longtemps, on s'est rencontrés dans des salons du livre, notamment à Merlieu, qui est pas loin de l'endroit où il habite. Jean-Louis habite à Coeuvres et Vacheverry, qui se trouve entre Villers-Cotterêts, soit jamais. Villers-Cotterêts, c'est connu pour un fameux édit. Et d'ailleurs, au catalogue, et en plus, bon, ce que j'aurais dû dire pour commencer, c'est que Jean-Louis est éditeur d'une maison qui s'appelle Ressouvenance. Vous avez quelques exemplaires ici. Et cette maison existe depuis 1981. Et j'ai regardé sur la base électre, enfin sur le site, tu disais qu'il y avait 250 titres. Moi, j'ai vu 319. Il y a peut-être des rééditions. Non, non, c'est peut-être parce que certains sont plus actifs, mais sont plus actifs. Et ce épisode. Oui, puis peut-être dans les référencements. D'accord. Donc, ça veut dire. Oui, alors ça fait une petite dizaine de bouquins par an, quoi. Donc, je ne sais pas si l'activité continue, parce que j'ai vu que les derniers bouquins remontaient à 2021. Si, si, Continue. Notamment, il y a une chose intéressante, mais ça, pour en discuter à la maison d'édition, Jean-Louis publie des bouquins pour les réfugiés ukrainiens, pour apprendre le français aux Ukrainiens. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Dans son catalogue, donc, il y a un certain nombre de livres sur l'Algérie. Donc, c'est lié à son histoire personnelle et puis aussi la situation des Algériens dans les années 60, notamment la réédition d'un bouquin sur les bidonvilles de Nanterre et puis sur le témoignage d'un militant qui était passé dans les mains de la DST et puis des reproductions du comité Vérité-Liberté, entre autres. Jean-Louis est l'auteur du Faux Fils, les pseudonymes, donc je ne sais pas si c'est entre témoignage et roman, ça tu nous le diras, et d'un dictionnaire des insultes aussi qui est assez intéressant, sale espèce de, donc tous les mots les plus pourris sur les différents peuples que les Français aiment bien. Voilà. Et puis au catalogue, beaucoup de classiques jusqu'au Moyen-Âge, des livres sur la typographie, parce que Jean-Louis est un amoureux des livres. Du papier, des livres papier, pas du numérique, on vient d'en parler. Oui, ça paraît peut-être logique, livre papier, mais bon, ouais. C'est nécessaire. Oui, on est obligé de dire livre papier. Et puis, il y a une grosse partie d'histoire, et là-dedans, c'est là où Jean-Louis, on sait on connaît ses idées en voyant ce qu'il publie, donc beaucoup de livres qui intéressent les anarchistes, Archinov, Macnaud, Caroline Granier, qui a écrit sur les écrivains anarchistes, Ibsen, Taillade, beaucoup de livres sur la Commune, notamment un témoignage de Delly Reclus, le frère d'Élisée, sur Toulaye, Gaston Leval, les textes, Jean-Louis aime bien retrouver les textes d'origine des communards, des insurgés de Kronstadt, par exemple, aussi. Donc voilà, bon, tu participes à un blog sur Mediapart aussi, j'ai vu. Il y a quelques temps. Oui, Alors, Ressouvenance, pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben, le souvenir renouvelé, c'est un joli mot. Hein. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français ou si tu l'as inventé. Il existe. Et le sentiment de l'esprit de redécouverte. Voilà. Ben, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'être venu. Et aussi à d'avoir accepté ma proposition sur ce livre-là. Le thème initial que j'envisageais, c'est de présenter cette publication. Que peut-on savoir du 17 octobre 61? C'est un essai de récapitulation, le plus bref possible, de façon à recouper les faits qu'on peut savoir. Le constat initial qui m'a conduit à cela, c'est que dans la presse, du fait des anniversaires récents, à l'automne, puis de nouveau des 60 ans de l'indépendance et puis de cessez-le-feu. On évoque très brièvement les drames et les relations de l'époque, les différentes tendances droite, extrême droite, avancent leur déni et leurs interprétations très nostalgiques. Et une certaine opposition historique plus légitime importe ou rappelle un peu, mais l'ensemble se trouve bloqué dans une instrumentalisation générale, qui est médiatique et politique, diplomatique aussi. Les relations entre la France et l'Algérie, qu'est-ce que les États vont se dire ou pas se dire, etc. Et donc, les faits eux-mêmes sont pas vraiment très vite, et puis ce sont les commentaires qui s'animent, s'opposent et occupent. Dans la presse, la grande presse, à la radio, etc., à propos du 17 octobre, concernant au moment des dernières commémorations, il a été dit, entre 80 et 200 morts. Bon. En fait, c'est le résultat, on le trouve aussi sur Wikipédia, cette estimation. C'est ce qui ressort maintenant de différents débats entre historiens qui se sont intensifiés à partir du moment où le 17 octobre est ressorti vraiment du fait des livres de Elodie et du procès que Papon a voulu lui opposer et dont il est sorti pleinement. Alors, à partir de ce moment-là, et comme il y avait aussi le procès Papon à propos de son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale contre les populations juives, il y a un certain écho médiatique avec l'opposition pour les grands droits de l'homme, le droit de l'État, l'État de droit, etc. À essayer d'approcher ce qui s'est passé pour le 17 octobre, mais les débats historiques ensuite ont un peu, noyé la chose, je dirais, pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que Jean-Luc Elinaudit a donné une estimation de 300 victimes sur la nuit du 17 octobre. Où se sont multipliées diverses manifestations plus ou moins importantes dans différents quartiers de Paris et autour de Paris. Et qui ont été, maintenant on le sait, abominablement matraqués, entre autres, avec les Algériens jetés à la Seine. Le problème qui s'est posé pour Elinaudit, c'est que ces 300 victimes, d'autres historiens ont dit oui, mais beaucoup sont morts avant. Et d'autres sont morts après. Et ce qui fait que ces 300, et puis qui ont ensuite été réduits à 200, c'est très macabre comme question, mais elle est importante, se sont trouvés répartis entre avant et après, parce que la période était abominable, multipliant les tortures, les assassinats au faciès ou de militants qui avaient été arrêtés, etc. En divers endroits, gens jetés dans la Seine ou les canaux, gens pendus ou brûlés dans le bois de Vincennes, qui était proche du centre d'identification de Vincennes, qui se tenait dans l'ancienne cartoucherie du bois de Vincennes. Alors, je vais d'ailleurs vous demander de faire. Ça me paraîtra. Il y a quelques éléments d'explication que je vais évoquer qui seront, si vous pouvez vous faire tourner ces éléments. Merci. La cartoucherie française, c'est un fragment de ce lieu, c'est ça, c'est perdu dans le bois de Vincennes. Et dorénavant, il y a certains de ces éléments, ça ressemble à de grandes granges de pierre, c'est l'ancienne cartoucherie classique. Et c'était des locaux vides. En couverture du livre, il y a une photo qui date sans doute d'environ 1960. On voit un CRS armé et puis des groupes de gens. C'était à cela que servait le centre d'identification de Vincennes. Alors, beaucoup de gens sont morts avant, beaucoup sont morts après, et ce qui fait que si l'on reste sur cette estimation de 200 à 300, eh bien, on en répartit, ce qui fait que le 17 octobre, on devient moins important. Bon. Or, quand on lit, mettons, quand on se plonge un peu systématiquement, bon, ben, par exemple, le dernier livre d'Elodie, moi je l'ai lu, épluché, et puis Cornet, agrafé, etc. Et c'est vraiment sa toute dernière édition, ça fait 650 pages. En fait, je pense que c'est un livre qui soit souvent lu, et peut-être pas non plus par les gens qui en parlent. Parce qu'on ne pourrait pas dire à ce moment-là, non, 200. Bon, c'est pas possible. Il suffit d'additionner ici, il y a ceci, là, il y a cela. De toute façon, cette estimation est totalement dépassée. Je pourrais en donner un exemple, et c'est pas le seul. A été publié le 31 octobre un tract qui s'est appelé un groupe de policiers républicains déclare. Il s'est été envoyé aux députés, à des édiles, aux responsables de l'administration, de la préfecture, etc., etc. L'auteur était anonyme, il y avait peut-être eu deux auteurs. Et il est mort en 2002 maintenant. C'était un ancien policier communiste durant la résistance et qui a été suspendu en 1952 quand on a découvert son appartenance politique. Et qui a été réintégré. Il était traité en retraité, enfin, il était pensionné comme retraité d'office, mais mis au placard, quoi. Et il n'a été réintégré qu'en 81. Cependant, en 61, il conservait des liens avec d'anciens résistants de la police française. Et il conservait des liens avec des dirigeants du syndicat général de la police, dont la direction était assez hostile à la criminalisation d'une grande part de la police parisienne à ce moment-là. Et donc dans ce tract, qui n'a jamais été démenti, il a été critiqué, mais il a été jalousé, il a fait des procès d'intention, comme quoi c'était peut-être une manipulation, mais de la part de policiers, hostiles ou non, par ailleurs, il n'a jamais été démenti. Alors, ce tract mentionne, pour le 17-18 octobre, des dizaines de tués au parc des expositions. Au parc des expositions, il y avait 8000 interpellés, en casernés et en proie. Alors, ils étaient parqués par des espaces délimités par des barrières d'acier. Et au milieu, il y avait les policiers matraquants, armés, etc. Donc, il évoque, il y a de nombreux témoignages concordes là-dessus, et que certains ont été tués par balles de manière immédiatiste de la part de furibonds, disons, et d'autres ont été matraqués, d'autres sont restés sans soins, etc. Bref, sur ce plan-là, nous avons des dizaines de tués au parc d'exposition dans les deux jours, le 17 et les jours suivants. Donc, au détriment de personnes qui n'étaient pas des manifestants, qui étaient des personnes déjà arrêtées, souvent blessées, etc. Le même tract évoque, je cite hein, littéralement, plus d'une centaine de personnes jetées à la Seine après matraquage, etc., etc., dans la nasse du pont de Neuilly. Alors là, on peut prendre le plan qui. Voilà. Le pont de Neuilly, en fait, est sur un embranchement, un enjambement de la Seine. Les gens venaient du rond-point de la Défense, ils venaient auparavant de Nanterre et de la Garenne, où il y avait des bidonvilles très importants, surtout Nanterre. Donc, ils s'étaient retrouvés au rond-point de la Défense, et puis ils avançaient en ligne vers Paris, vers le pont de Neuilly, avec l'idée de rejoindre les Champs-Élysées. Bon, sur le pont, il y avait une première ligne de forces de l'ordre, notamment la FPA, Force de police auxiliaire, ce qu'on a appelé à l'époque les harkis de Paris. Et ensuite, il y avait une deuxième ligne, sans doute de CRS. C'était il y avait des compagnies de CRS sur le secteur. Donc, au début, la FPA, et puis ensuite à la sortie du pont, les CRS. Et quand même, la foule était très importante. Hein. Lui, il a été estimé à 8000 personnes. Il continuait d'avancer, il continuait d'avancer. Alors il y a eu des tirs, il y a eu des fusillades. Et cependant, des gens ont réussi à franchir, à bousculer, à pousser, à avancer, etc. Et se sont retrouvés dans une nasse entre les deux rangs des forces de l'ordre. Et donc c'est là que le témoignage en question de ce policier français évoque plus d'une centaine de personnes jetées à la Seine, voilà, après les mitraillages. Et cette estimation de plus d'une centaine, elle n'implique pas les victimes des mitraillages avant, et a fortiori ensuite, ça a été toute la nuit des rafles, des poursuites, etc. Voilà, alors nous avons déjà 100 plus quelques dizaines de tués. Ensuite, il y a une scène assez connue, une sorte de farce dans la cour de la préfecture de Paris, entre Saint-Michel et Châtelet, où l'auteur de ce tract mentionne, je cite, un véritable charnier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, les policiers, quand ils voulaient un petit peu à papon, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait eu quand même 2 ou 3 policiers de tués dans la dernière période, ont poussé des prisonniers, des emprisonnés algériens, bon, déjà matraqués, plus ou moins blessés, on imagine, et puis terrorisés, évidemment. On poussait dans les appartements de Paton. Celui-ci a pris peur, a appelé une d'autres escouades, et puis là-dessus, toute force de l'ordre bien ordonnée pour bien, ont vraiment massacré, paraît-il, matraqué à coups de banc. Et un témoignage d'un policier là-dessus qui désapprouvait la chose disait que s'il n'était pas mort, ils avaient vraiment la tête dure. Bien. Et là, on estime cela à une cinquantaine de morts. Donc déjà, on a, sur cette nuit du 17, on a des dizaines de tués, plus d'une centaine et une cinquantaine. Et bon, déjà, on est quasi aux 200, que des historiens, et tout à fait reconnus, c'est bien regrettable, attribuent à la période d'ensemble. Avant, après et avec le 17. Ce qui ramène le 17 à autour de, certains disent 60, ça c'est Brunet, qui est un historien figarologue, si on me permet le néologisme, et pro-policier, dont Vidal-Naquet disait qu'on peut être universitaire et monteur. Et d'autre part, donc là on est au minimum 60-80, puis encore il a fait des efforts parce qu'il a reconnu qu'il y avait eu effectivement des abus de la police. Et puis, bon, peut-être les 200, mais les 200 de nouveau sont répartis, c'est Jim House, dans un livre qui est très important. Attendez, le titre exact, c'est House, Paris, 1961, les Algériens, la terreur, etc. C'est un gros livre, un gros pavé aussi, il est très intéressant, mais sur cette manière de dire d'un seul coup, oui, mais quand on parle de 200 victimes, il faut se vouloir dire aussi bien pendant toute la période ou seulement le 17, seulement il est clair que si c'est pendant toute la période, là il y a beaucoup moins de victimes, le 17, c'est logique. Bien. Voilà, donc on est déjà autour des 200 pour des secteurs. Tout ceci, ça ne compte pas les victimes du pont Saint-Michel. Alors là, c'est connu parce que le pont Saint-Michel, c'est Paris, c'est central. Il y a eu quelques témoignages de Maspero et de quelques autres, de témoins solidaires. Et puis, ce fameux et très triste et tragique écrit, ici on le voit des Algériens. Bon, donc il y a eu ces victimes qui s'y ajoutent. Il y a eu encore. Alors, ni non plus des chasses à l'homme dans de nombreux quartiers de Paris, puisqu'il faut se représenter qu'il n'y a pas une manifestation, mais beaucoup de groupes de manifestants qui tentent d'approcher tel secteur. Ni les victimes des grands boulevards, celles-ci sont un peu connues aussi parce qu'un journaliste de l'Humanité penché dans une fenêtre de son local a pu photographier de sa dernière photo célèbre de ces gens allongés sur le trottoir devant leur ex. Bien. Ça ne compte pas, alors je disais, oui, excusez, peut-être un léger désordre, les des chasses à l'homme dans Paris, il y en a eu dans un nombre de quartiers incroyables, Saint-Germain. Le même tract mentionne aussi les couloirs du métro, vraiment le sang pendu coulant. C'est abominable, c'est très difficile à réussir. Bien. Et à la gare d'Austerlitz, métro Austerlitz, voilà. Il y a eu encore, on a signalé des fusillades autour de Saint-Germain, et là il y a un témoignage très émouvant de manifestants qui fuient les forces de l'ordre, et puis ils croisent le café de CBG du quartier, les gens aux terrasses, et leur disent « mais lâche, bougez-vous, d'abord ». Alors, les grands boulevards, oui. Alors, dans les stations de métro aussi, il y a d'autres témoignages qui sont évoqués à un certain moment dans le livre, évoqués, il y a sûrement eu réquisition de tous les moyens de transport public. On signale par exemple les autobus qui clignaient des phares quand ils voyaient des Algériens, des groupes d'Algériens, ou quand ils en avaient dans leurs autobus. Les métros aussi, puis de toute façon, un grand groupe de manifestants au faciès bien déterminé s'est vite repéré, ce qui fait que c'est au sortir des trains, des wagons, qu'ils étaient immédiatement matraqués, calés au mur, etc. Et là, il y a des témoignages où aussi, là, des gens évanouis, alors blessés, peut-être morts, ou peut-être mourants, ou qui mourront plus tard, on ne sait pas, qui sont emportés, mais visiblement, le témoignage en question d'un participant à la manifestation donne le sentiment que c'était nombreux. Donc, ils étaient emportés, vraiment, c'était pas sur un brancard vers un hôpital. Voilà. Donc, ce qui fait que déjà, on est forcément bien, on est forcément de là. Ensuite, on a un témoignage, là, dont je ne peux pas citer exactement la source, c'est une personne, fille d'un manifestant, militant FLN, les manifestants du 17 octobre, lui a dit que dans les jours suivants, environ 150 personnes étaient mortes dans chez elles, quoi, soit dans les bidonvilles, soit dans leur, leur meublé. La personne n'était mentionnée que par un prénom, et puis bon, ça c'est là ça s'est un peu perdu, mais je pense que c'était sur une sorte de petit forum d'échange entre gens intéressés, etc. C'était pas de la propagande, et ce renseignement là on le voit nulle part ailleurs, sauf on sait qu'il y a eu des décès dans les hôpitaux, mais très peu aller dans les hôpitaux, parce que aller à l'hôpital c'était être repéré par la police qui venait chercher, et là aussi il y a des mentions précises à cet égard. Ils venaient chercher, ils notaient les noms, et puis voilà. D'ailleurs, à un moment, je risque le paradoxe, c'est que, oui, très administratif, on va chercher, on note bien le nom, la personne est embarquée, mais après, ah, il n'y a plus d'archives, on ne sait pas où elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. etc. Bien, voilà. Alors, attendez, je regarde parce que c'est assez. Alors, on peut revenir sur le fusillade du pont de Neuilly, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant. Disons, en lisant au fur et à mesure et en recoupant avec ce que ont pu écrire des témoins, ou un journaliste aussi évoque également des fusillades d'une demi-heure, une fusillade d'une demi-heure au pont de Neuilly. Le problème, c'est que c'est jamais à la même heure. Et apparemment, les gens ont commencé à partir vers 18h. Le rendez-vous était théoriquement 20h30. Les points de rendez-vous étaient 20h30 parce que c'était le début du couvre-feu de Papin. Les gens des bidonvilles ont commencé à partir vers 18h. Et on mentionne les fusillades pour peut-être les premiers arrivés vers 18h30. Et puis il y en a encore un auteur, un historien, Emmanuel Blanchard, qui a un livre très important sur toute la politique policière contre les immigrés algériens des années 30 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, mentionne que l'ACMÉ serait vers 21h30. Et effectivement, il y a encore un autre témoignage d'un syndicaliste de l'ACTA, la structure syndicale de la Fédération de France du FLN, qui lui aussi mentionne des heures différentes. Et ce qui fait qu'on peut penser que... un témoignage, enfin des témoignages évoquent très clairement que les premiers arrivants ont été débandés, mais au fur et à mesure, les autres continuaient. Et les autres continuaient. La version policière, c'est oui, mais ils étaient poussés par le FLN avec le pistolet dans le dos, donc, etc. On n'a pas trouvé une seule arme sur aucun militant pendant tout. Et pourtant, ils en ont arrêté. Bien. Il n'y a eu aucun blessé, aucun policier blessé, etc. Peut-être un, c'est un peu foulé le premier. Voilà. Bien. Et donc, je pense que ça veut dire qu'il y a eu des phases de mitraillage successives au fur et à mesure que ceci continuait. D'autres témoignages sur ce plan-là et sur cet espace implique les gens partant. Par exemple, il y a des témoignages sur la rue Arago, la rue Bellini, c'est pour ça que je les ai notés en surimposition à la rue Gergerès. Sur le plan, les gens partaient dans tous les sens, et il y avait les femmes et les enfants du bidonville aussi. Et là, ça a été des chasses à l'homme et des rafles, etc. Et un témoignage mentionne dans une nasse aussi encore un mitraillage. Voilà, assez long également. Voilà. Alors, ce qui fait que tout ça, on ne sait pas. Alors, les témoins de l'époque, les témoins solidaires, ont eu un aperçu partiel. Déjà, les manifestants viennent tantôt de la banlieue nord-est et puis nord-ouest, ou un peu moins du sud, mais aussi les armes ont été du 13e arrondissement où il y avait une immigration algérienne très importante. Ils essaient d'approcher vers Saint-Michel. Des gens venant du nord-est essaient d'approcher, ils vont vers les grands boulevards quand ils ne sont pas arrêtés avant, etc. Et donc on a des groupes plus ou moins importants. Par exemple, vers les grands boulevards, on a mentionné environ 2000 personnes. Beaucoup plus important, 8000 personnes venant des bidonvilles du nord-est, mais qui, eux, ont été bloqués au pont de Neuilly. Et voilà. Après, il y a eu des endroits où apparemment c'était seulement quelques centaines, et il n'y avait pas partout des témoins. Et ce qui fait que les aperçus ont été fragmentaires, et ça. Ce qui a bien traumatisé les témoins, c'était l'atrocité de la chose, mais il n'y a pas eu, sur le moment, depuis l'ensemble, il n'y avait pas des journalistes avec, je sais pas, appelant sur France Info, oui, ils sont en train d'avancer ici et là, etc., etc. Et voilà. Je peux... Attendez, le tableau des pages centrales, c'est ce que j'ai essayé de regrouper. Et il y a aussi un témoignage terrible qui vient de conscrits qui étaient chargés de répercuter ou transmettre ou de faire fonctionner le système de réception radio de la police. C'était centralisé au centre radio de la police et qui entendait tout ce que s'échangeait entre eux, les policiers, dans leur un peu partout. Et le témoignage évoque des vantardises, 10 il s'apporte sur les gens jetés à la Seine, 10 dans le mien, 15 dans le mien, etc. etc. Et ce témoin disait qu'à entendre, ça allait au moins jusqu'à 200 personnes, voire à un moment même 300. Et ça, ce sont ce qui pouvait se passer un peu partout, puisqu'il y avait des petits groupes un peu partout. Ça, c'est un élément très important aussi. Voilà. Ce qui fait que j'ai essayé dans ce tableau de récapituler les nombres de victimes évoquées, et ceux plausibles, En essayant avec un problème d'interprétation sur certaines séquences, parce que par exemple, s'il est certain que prise en tenaille, le groupe B, si on veut, prise en tenaille et jeté à la scène, peut avoir été évoqué parmi les vantardises radio des policiers. Donc on ne peut pas additionner les 200 minimum, voire peut-être presque 300, et puis ces 100. Peut-être ces 100 font partie des 200 à 300. Donc il y a une part comme ça de. Je ne voudrais pas qu'on me dise que je délire en augmentant les chiffres, etc. Donc la première colonne, enfin les évoqués sont quasi sûrs et attestés. Et j'indique d'où viennent les sources et avec les petits commentaires concernant la part d'incertitude. Mais d'autres fois aussi le fait que tel groupe qui pourrait donner le sentiment d'être inclus dans un autre, en fait non, parce que ça coïncide, c'est pas logique. Quoi. Le même tract évoque, ou un autre policier, non c'est un autre policier, sans doute un des dirigeants du syndicat général de la police, qui lui évoque le fait que l'IML, l'Institut médico-légal, qui est au bord de la Seine, pas loin d'Austerlitz, sont arrivés des personnes décédées, des manifestants décédés, qui ont été immédiatement aussi jetés à la Seine, sans être. Voilà. Et là aussi, ça fait un groupe, au moins une centaine. Forcément, ce n'est pas les mêmes que ceux dont les CRS ou les policiers se vantent dans leur car. Quoi. Et à propos de car, en partant de là où, du parc des expositions, où on évoque des allers-retours de cars qui sont avec des corps entassés. Hein. Et, alors, ça fait peut-être partie des dizaines de tués évoqués par le tract du policier républicain, peut-être pas, mais peut-être bon, lui aussi pouvait. Voilà. Alors, le groupe G manquant au CIV, CIV c'est le centre d'identification de Vincennes, manquant au CIV, c'est. Enodine mentionne que si on regarde bien tous les comptages, etc., etc., il manque 200 personnes, on ne sait pas du tout. Les explications, ben, à vrai dire, ça pourrait être une erreur administrative, mais une approximation des chiffres pour 200 personnes, ça paraît lourd. Sur 1500, on peut faire emprisonner. Là, on sait le nombre parce que ben, sans doute ils étaient dans des secteurs, et puis ça devait être aisé de. Ben, là, on en a 100 ou 50, on en a 50, et puis voilà. On parle quand même de 80 personnes décédées à l'hôpital. Donc les décédés à domicile, c'est le témoignage dont je peux garantir plus, mais qui semble largement plausible. Il y a d'autres témoignages selon lesquels les gens blessés, la fracture du crâne, etc., sont restés sans soins. Et puis, voilà. Ah oui, bon, ça. Alors, les histoires de fosses communes, c'est un grand point d'interrogation, mais il semble bien qu'il ait été trouvé dans la banlieue sud-ouest de Paris. Et alors, à ce moment-là, on n'est pas loin du CIB, justement. Il semble bien qu'il ait été exhumé dans les années 80-90 des ossements, et qu'un témoignage partiel qui ensuite s'est dédié quelqu'un qui évoquait un ancien policier, enfin bref, il a dû se faire dire rapidement que c'était il était chargé de monter la garde devant un terrain vague où on inhumait clandestinement des victimes liées à la garde d'Algérie. Alors, pour que le lieu, pareil, si on a apporté des cars, même des petits paniers à salade, pas mal de encore, ça fait quand même beaucoup de nombres, s'il a fallu pas mal de cas, s'il a fallu réserver un grand terrain, s'il a fallu des gardes pour monter la garde devant ce terrain. Bon, mais c'est un point d'interrogation. Cependant, j'ai pu lire chez un historien que cette hypothèse avait fait long feu. Elle n'a pas fait si long feu que ça. La seule réponse de l'administration, c'était de dire qu'ils avaient déterré des cadavres dans un ancien cimetière pour boucher un terrain. Alors, je ne sais pas si ça nous paraît possible, si c'est légal, si c'est... Voilà. Et c'est comme ça que les choses font le feu en France. Voilà. Voilà. Alors, curieusement, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, il y avait 8000 interpellés parmi les expositions à la porte de Versailles. Il y en a eu 2000 dans un autre stade français, parisien. On sait aussi qu'il avait été, réservé par la police des stades, des dispensaires. Voilà. Un témoignage récemment ressorti, ça a été diffusé sur Mediapart, c'est un descendant d'un manifestant algérien a passé une petite bande de vidéos où il interroge, c'était son père, je crois, ou son grand-père. Il essaie de le faire parler. Et cette personne a une élocution française un peu difficile, et puis visiblement parle de manière très très retenue, il n'a pas très envie. Il dit oui, oui, il a eu ça. Oui, oui, il a eu ça. Et il dit que lui, il a été interpellé et détenu plusieurs jours au château de Vincennes. Alors, est-ce qu'il y a une confusion avec le CIL qui... Mais quand même, le CIL, le centre d'identification de Vincennes, était bien connu des Algériens, puisque beaucoup y ont passé une, deux, trois fois pour se faire vérifier leur identité, n'est-ce pas? Et alors, le château de Vincennes, et il dit on était couché ou assis sur la paille. Et la paille fait penser aux écuries, ce qui fait qu'il peut... Il n'est pas impossible qu'il y ait eu aussi un lieu de détention que je n'avais jamais vu évoquer jusque-là. Quoi. Et certainement, il y en a eu d'autres. Bien, voilà. Alors, pour rappeler les chiffres, peut-être, autour, on dit 20 à 30 000 manifestants, je pense que le mot est juste, hein, et bon, mettons même 25 000. Là-dessus, les chiffres exacts, 11 538 personnes arrêtées le 17, dans la nuit du 17. Et des rapports internes de la Fédération de France mentionnent que les jours suivants, le chiffre global des arrestations atteignait 14 000 en tout. Et ça a continué parce que les Algériens continuaient à sortir aussi. Et il y a d'autre part des témoignages de travailleurs qui, eux, ne sortaient pas parce qu'ils étaient vraiment abusifs. Ils restaient, ils dormaient sur leur lieu de travail. Où la police a pu les chercher. Dans les jours suivants, quoi, la seconde quinzaine d'octobre. Voilà, je crois que... J'ai essayé, j'ai sans doute pas tout dit, mais... Peut-être tu... merci pour tous ces renseignements. Là, on est dans les victimes, essayer de comprendre combien... Mais après, peut-être rappeler le contexte où on est, à quel moment on est de la guerre d'Algérie, parce que là, octobre 61, on se rapproche quand même de la fin de la guerre. Et donc, est-ce que c'est... un baroud d'honneur de la police, ils nous ont fait chier pendant des années, on va se venger. Est-ce qu'il y avait des ordres au plus haut niveau? Parce qu'ils n'ont pas pu faire ça de manière impunie, quoi. Enfin, c'est des questions comme ça que... Bah, si tu pouvais nous... Qui était au gouvernement à l'époque, là? Oui. Il y a De Gaulle, là, déjà. Mais c'est De Gaulle. Oui, non, oui, alors, impuni, oui. Impuni, ça, oui. Alors, donc, De Gaulle... C'est Benjamin Stora mentionne dans la guerre d'Algérie vue par les Algériens. Bon, en vérité, la guerre d'Algérie vue par les Algériens ne s'appelle pas la guerre d'Algérie. Mais le point de vue franco-français, n'est-ce pas? Et bien, il mentionne que De Gaulle avait interdit les manifestations d'Algériens à Paris. Il n'en voulait absolument pas. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu au moins une obligation de résultat qui n'a pas eu l'air de contrarier beaucoup la conscience des corps constitués. Voilà. Autrement qu'il était au gouvernement, c'est bien le grand responsable, le grand maître de la politique algérienne, c'était De Gaulle. Et de l'exécution préfectorale, c'était Papon, effectivement. Ouais. Alors, maintenant, certaines remarques aussi, mais ça aurait pu être évité, puisqu'on était bientôt à la fin de la guerre. Mais non, justement, c'est justement parce qu'on était près de la fin de la guerre qu'il allait y avoir des tractations, qu'il y avait, avec qui on négocie. Et on ne voulait pas négocier avec la Fédération de France, il y a des raisons sociologiques et politiques, avec qui on élimine. Et à mon sens, le pouvoir français a construit le pouvoir algérien, tant pouvoir ce qu'il est devenu, ce qu'il a été, ce qu'il est devenu. Il l'a construit en effectuant implicitement, enfin en posant aussi des conditions draconiennes pour garder le Sahara, le pétrole, lâcher ses bombes nucléaires, etc. Et en sélectionnant, en fait, il a renforcé l'armée de l'extérieur qui n'avait rien fait. Que s'entraîner et puis recevoir des armes qu'elle n'envoyait pas au maquis. Bien. Et c'est là qu'il a construit, que la France a construit ce pouvoir-là. Et en liquidant tout ce qui pouvait être, force politique plus ouverte, tant en Algérie qu'en France. Et en France, ça passait par le démantèlement des cadres moyens et petits de la Fédération de France. C'était le cahier des charges, textuellement, hein, il y a bien des sources là-dessus, officielles de la préfecture. Voilà. Alors, donc, autrement, cette Fédération de France, d'abord l'immigration algérienne en France, qui remonte, qui est devenue importante dans l'entre-deux-guerres, a été dès le départ un foyer d'ouverture sociale, politique, intellectuelle, et un foyer aussi de revendication. Disons, peut-être pas au départ anticolonialiste, mais d'opposition sociale, et puis effectivement ensuite une revendication d'indépendance. Et elle a été la base d'un parti important dirigé par Messaliage, qui a été formé par le PCF et sur le modèle stalinien, que Messaliage a ensuite s'est ensuite distancé en adoptant une référence islamiste très marquée. Alors que, simultanément, la base de l'immigration algérienne, en partie musulmane, mais musulmane de sa façon, hein, parce que beaucoup les pratiques du culte musulman sont diverses, et a fortiori de la part des populations kabyles qui étaient majoritairement, qui fournissaient majoritairement l'immigration en France à l'époque. Et avait aussi une ouverture tant sur le mode de vie que sur la politique, la syndicalisation, les luttes ouvrières et des participations à des manifestations, en partie de la classe ouvrière française, mais en même temps à part, et en queue de cortège. Et il y a eu des moments de contestation forte de la part de ces manifestants algériens. Il y a eu une manifestation sur Bastille où ils ont empêché de parler les ténors staliniens de l'époque, etc. Les relations étaient difficiles et parce que justement le MTLD, c'est-à-dire le mouvement de Messaliage, s'était distancé du PCF. PCF, premier parti de France, hein, une influence, un pouvoir colossal. Et ils étaient intervenus, chalutés, et puis les ténors avaient dû quitter le podium. Voilà. Alors donc ça laisse des traces de la part de gens relativement autoritaristes. Maintenant les relations avec la CGT, avec des éléments minoritaires de la CGT ou du PCF, étaient plus ouvertes ou fraternelles, mais en sachant que c'était extrêmement minoritaire et que beaucoup de témoignages établissent que la classe ouvrière française s'en moquait complètement, et voire est devenue réticente, si bon estime. Durant la guerre d'Algérie. Évidemment, d'un côté, ils avaient leur fils là-bas qui risquait d'arriver des malheurs. Ceci explique cela, mais l'internationalisme s'est pas trop illustré dans cette époque-là. Voilà. Et le PCF était hostile à l'indépendance algérienne. Alors, ça c'est important à rappeler, et il l'a été systématiquement, outre le vote des pouvoirs spéciaux par l'Assemblée nationale qui a enclenché, hein, entre processus guerrier qui aurait pu être évité. Outre cela, il était hostile parce que sa base, son satellite, le Parti communiste algérien, avait pour base les ouvriers, les travailleurs français, et pas les Algériens, pas les Arabes. Et puis, bon, bah, le PCA s'est trouvé complètement dépassé, éclaté entre ceux qui ont rejoint à titre individuel la lutte indépendantiste, dont le FLN, et puis ceux qui n'ont plus rien fait. Alors, Sébastien, tu vois, d'autres questions, au contraire, j'en ai des questions, mais si vous en avez, allez-y. Hein. J'en ai plein. Et donc, la presse, comment elle a réagi à... C'était blackout ou ils ont dit. Ils ont quand même dit ce qui s'est passé et ils étaient outrés quand même. En particulier l'humanité. En particulier, j'en témoigne, l'humanité. L'humanité. On a témoigné de façon très importante. D'accord. Oui, mais d'accord. Alors, il a bien été évoqué que la police avait arrêté pas loin de 12 000 personnes, qu'il y a eu des affrontements. La presse, l'Aurore François, a dit « Ah, les Algériens dans les rues de Paris, quelle calamité !» Et puis la police, etc. Ensuite, sont bien ressortis que le matraquage avait été violent, on a évoqué deux morts, etc. Dont un Français qui aurait reçu soit un coup de matraque, soit de fusil, et qui serait mort devant le Rex. Peut-être quelqu'un, peut-être a-t-il dit, mais enfin, c'est monstrueux. On peut imaginer. Hein. Voilà. Et puis ensuite, non, la violence de la chose était connue. Ensuite, elle a été également dénoncée. Bon, ben, effectivement, certaines tendances du Parti communiste, de la CGT, par l'ACTA, par la Fédération de France, par les opposants issus du comité Audin et qui travaillait au journal Vérité Liberté. Cependant, il y a un témoignage aussi, c'est que les photos d'Élie Kaplan, il a essayé de les faire publier par l'Humanité et l'Humanité a refusé au prétexte de les faire interdire. Et il y a une contradiction dans la perception qu'on peut avoir de l'attitude du PCF à l'époque, parce que d'un côté, ah oui, il a dénoncé la torture, ah oui, bon, en fait, il a suivi les gens comme Pierre Vidal-Naquet, hein, et puis l'Observateur aussi, qui était assez lucide sur ses drames. Il l'a suivi, donc il a toujours été pour la paix en Algérie, mais pour la paix en Algérie, ça ne voulait pas dire grand-chose. Ça ne voulait pas dire l'indépendance, ça ne voulait pas dire on reconnaît toutes les... C'était juste, on reprend, on retire nos rappelés, quoi, on les fait revenir. Et alors, l'apparence, la façon dont il se donne comme « Ah, il a toujours été anticolonialiste », s'agissant du PCF vis-à-vis de l'Algérie, c'est pas vrai. Et c'est drôlement important, pour eux, à la limite, pour le PCF, jusqu'à ce que ce soit devenu évidemment impossible, l'Algérie, c'était la France, hein, comme toutes les forces politiques françaises de l'époque. Et donc, je suppose que cette affaire, il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire, quelle que soit. Comment ils ont justifié ? Ils ont dit que les manifestants étaient armés, qu'ils se sont défendus. On dit, mais je crois qu'il n'y avait pas besoin de ça pour animer les forces de l'ordre. On dit qu'elles ont été manipulées par des informations qui auraient circulé sur leur radio, selon lesquelles il y avait eu des blessés, voire des morts, etc. C'est tout à fait faux. Alors, peut-être il y aurait eu des manipulations comme ça pour encourager un peu, mais non. Vu les attitudes des corps constitués à l'époque vis-à-vis de l'immigration, l'influence algérienne, et surtout dans les bidonvilles ou les quartiers à forte population, la Goutte d'Or dans le 18e et puis le 13e au National. Non, je crois qu'il n'y a pas besoin qu'on les manipule. Hein. Alors non, sur le moment, Papon a été interpellé par Claude Bourdet, qui dirigeait, était à la fois un élu et journaliste, directeur de l'Observateur, et qui est devenu ensuite le nouvel Observateur. Et il a interpellé, posé des questions, évoqué ceci. Il fait remarquer très justement que puisqu'il y a plein de corps qui ont été jetés à la Seine, il faudrait voir quels sont les services qui sont susceptibles d'appeler celui-là, de le constituer. Effectivement, théoriquement, on aurait dû le savoir. Eh bien, il se trouve qu'historiquement, pas maintenant, on sait, les historiens disent, mais non, les sources, les archives de la police fluviale ont disparu. Voilà. On retrouve des chronologues. Mais comment ils ont pu justifier tous ces gens? Ils ont couru, ils échappaient à la police et sont sautés à la Seine tout seuls. Ils n'ont même pas justifié. Dans le cadre du maintien de l'ordre, il n'y a pas de justification. Ouais. Hors des autorités de maintien de l'ordre, point. Ouais. Avec tous les dégâts que ça peut faire. Ça se passe comme ça. Ouais. D'autre part, non, Papon a dénié, c'est du délire d'opposants, etc. Et puis, la police, les rapports de la police ont brodé là-dessus, enfin, les responsables policiers ont brodé là-dessus en disant la FF voulait qu'il y ait une répression dure, parce que comme ça, tout le monde crierait au scandale et tout, mais ça a raté. Bon, ces rapports attribuent à la Fédération de France d'avoir souhaité que les solidaires français fassent de la propagande. Mais en vérité, c'est tout à fait démenti par l'attitude de l'AFF à demander que Fédération de France a demandé à ce que ce soit des manifestations spécifiquement algériennes et seulement à quelques contacts, et là ultra minoritaires, de se poster ici ou là pour éventuellement pouvoir témoigner. Mais elle ne demandait absolument pas qu'il y ait. Et d'autre part, beaucoup de ces rapports antérieurs et ultérieurs sont tous des appels à la solidarité, mais les appels désespérés. Et avec des constats selon lesquels, non, la classe ouvrière ne bougeant pas. Bon, la classe ouvrière était derrière son parti. Et pour majorité, évidemment, toute chose est bien par ailleurs, je suis assis. Voilà. Je ne sais pas, c'est, en fait, d'éventuelles questions m'aident aussi. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'articulation, parce que j'ai vu. Au fil des années, comme citoyenne, j'ai vu les archives s'ouvrir un petit peu, puis un petit peu plus. Et comment la décision de tout boucler les archives, enfin ce qui a été archivé, comment c'est venu? Parce que apparemment la presse a réagi dans les premiers temps. Mais il y a eu très vite sans doute un blocage, une interdiction. Parce que nous, on était, enfin mes parents étaient expatriés, moi j'étais au lycée. Je sais, pour les avoir entendus parler, parce qu'à l'époque je ne m'intéressais pas trop aux journaux, il y avait le journal d'Extrême-Orient, on était à Saigon, le journal d'Extrême-Orient était paru avec des grands blancs. Donc c'était censuré. Et que ceux qui étaient abonnés au Monde avaient aussi reçu le Monde avec des grands blancs. Donc il y a eu quelque chose quand même, la censure, c'est pas rien. La censure, elle était très importante à cette époque. Et ça s'est étendu d'ailleurs jusqu'à très loin, jusqu'à une BD de Lefranc, pourtant pas d'une inspiration très subversive, qui évoquait une analogie, enfin qui semblait évoquer une analogie entre les rapports gallo-romains et puis franco-algériens. C'est pour ça que ça a été, cette BD a été interdite en France à l'époque. Et alors, non, il y a eu énormément de livres, la presse, etc., interdites. Alors, la presse procédait aussi par autocensure. Alors, peut-être ce qui pouvait paraître en France, elle pouvait être caviardée, enfin, sans, comme on dit en langage de presse, était censuré pour telle ou telle exportation, pour que ça ne se sache pas. Ça, peut-être. Mais autrement, non, la censure, il y a eu des livres immédiatement saisis. Enfin, certains sont connus, puis d'ailleurs, on ne connaît pas. Si ça se trouve, d'autres ont disparu, on ne connaîtra jamais. Voilà. Alors, autrement, ça, c'est la censure politico-policière. Elle a besoin de rien. Elle était bien rodée déjà au moment du 17. Ensuite, l'autre question, les archives. Les archives, au départ, il n'y en a pas. De toute façon, il faut 50 ou 70 ans pour avoir le droit à y accéder. Et maintenant, il y a des aspects. Si des archives ont disparu, et si d'autres sont stipulées et écrites dans le langage policier, on ne dit pas un tel a été torturé, on dit il a été posé de questions. Voilà, il a été interrogé. Ah, qu'est-ce qu'on va chercher dans les archives? Une preuve de censure. On va chercher, on va trouver une preuve d'interrogatoire. Voilà. Et s'agissant des actes, de toutes les activités des policiers contre les Algériens dans cette période-là, et je dis bien dans cette période-là, c'est l'histoire ancienne, des commentaires de haut, de grands comptes de la police disaient, bon, de toute façon, vous devez considérer que, même s'il n'est pas armé, un Algérien, vous devez considérer qu'il est armé. Et il y a des témoignages selon lesquels une personne assassinée, parfaitement passante, hein, assassinée par trois policiers, il y en a un qui glisse un couteau dans la poche de la victime. Bon, et ça, c'est des témoignages d'une habitante qui était à sa fenêtre. Quoi. Voilà. Bon, ceci pour dire. Ce qui fait, à mon avis, les archives, on vient de découvrir que De Gaulle était au courant, c'est une fausse découverte, on le savait déjà, et il a dit sur le moment, quand il a appris l'ampleur de la chose, c'était, je ne sais pas, un mot comme monstrueux ou condamnable, mais secondaire. Secondaire, il a dit. Oui, secondaire. Voilà. Alors maintenant, oui, ensuite, les archives, disons, celles auxquelles on peut accéder, les archives de la préfecture de police, j'ai tenté quelques découvertes, je demandais à accéder à certains cartons, bon, j'ai eu droit à ceux censés recueillir des éléments sur l'activité de la Fédération de France à Paris. J'ai demandé à accéder aux cartons sur les campagnes de sur les rafles, les opérations policières en novembre et décembre 61, et là on me l'a refusé. Et puis après, j'ai plus rien demandé, j'ai demandé que autre chose personnelle, mais je n'ai pas eu le droit non plus. Voilà. Parce que l'accès aux archives, certaines archives, il faut que ça soit. Elles peuvent rester inabordables, il faut que ça soit déclassifié, ou je ne sais pas comment ça marche. Ça. Alors, les archives des crimes d'État, hein. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ces archives-là, c'est la côte H, hein, les historiens la mentionnent bien, c'est là où il y a... un département de la préfecture qui décide si vous pouvez y accéder ou pas. Il n'y a pas d'année. Entretien préalable, si jamais on demande plutôt de t'habiter le carton. Et voilà, et j'ai évoqué les rafles de novembre et décembre 61, mais la campagne de démantèlement, campagne au sens quasi militaire du mot, la campagne de démantèlement de la Fédération de France de ses cadres moyens et inférieurs, elle continuait. Est-ce que vous pouvez préciser, Fédération de France, mais de quoi? Du FLN. Quand vous avez parlé de Saliade, Pour venir à Messadiage, son mouvement avait été éliminé par le FLN. Voilà. Oui, ça, je dépassé. On peut dire dépassé. Au départ, il en a une scission. et puis une dernière décision au départ, et puis à partir du moment où il y a eu une certaine influence grandissante, et il y a eu des grèves en Algérie en 56, je crois, ce sera reprécisé, mais enfin, le FLN avait organisé des grèves en Algérie, qui avait eu un certain succès malgré de grandes difficultés. Sur le territoire français, ils ne sont pas entretués comme. Si, aussi. Comme en Algérie. Oui, alors, de toute façon, dans le parti de Messaliel, il y a des meurtres politiques qu'il y avait déjà eu avant. Hein. D'accord. Alors, a priori, craignant la concurrence, effectivement, Messaliel, enfin, la responsabilité appartient au MNA. Le MNA, Mouvement National Algérien, a été créé immédiatement après le 1er novembre 1954. D'abord parce que la formation de Messaliel était complètement dépassée à ce moment-là, et ensuite parce qu'il s'agissait de créer un parti rival du FLN, et créer une confusion parce qu'une grande part de l'immigration algérienne en France pensait que les premiers attentats, entre guillemets, déclenchés en Algérie étaient le fait de... qui revendiquait la lutte contre était le fait du MNA, qui revendiquait, etc. Bon, ensuite, craignant la concurrence, il semble que c'est lui qui ait pris l'initiative en France de mitrailler des barres recodées pour. Apparemment, alors bon, ça va. Ensuite, il y a eu des sections d'autodéfense, et puis des attentats ciblés réciproques. Hein, parce que ça a fait ça. Beaucoup de morts, mais c'est. Maintenant, il semble qu'au début, comme les militants partisans de la Fédération de France qui se constituaient, et donc partisans du FLN, et d'en venir donc, à l'affrontement armé, il semble que ces militants étaient plutôt jeunes et peu connus, ils n'étaient pas des grandes sommités parmi les. Donc les forces du MNA ne savaient pas trop de qui il s'agissait. Donc quand ils repéraient des lieux, tel café, ils allaient mitrailler. Donc ça a déclenché des hostilités qui ont ensuite effectivement été réciproques. Maintenant, en 1960, le MNA était quasi inexistant, ou même il était longtemps inexistant sur Paris, région parisienne. Il gardait une influence importante dans le Nord. Voilà. Ensuite, l'évolution de Messaliage, à un moment, le pouvoir franco-algérien de l'époque, enfin algérie-française de l'époque, Soustelle, disait que c'était sa dernière chance de pouvoir faire une sorte de gouvernement d'entente franco-algérienne. Si on veut. Et en Algérie, alors aussi dans les maquis, il y a eu des règlements de compte. Certains, purement règlements de compte, un peu soit tradition de clan ou rivalité d'autorité militaire, dans les maquis. Mais il y a eu d'autres maquis qui étaient du MNA et qui étaient tout à fait manipulés par l'armée française, qui d'ailleurs finira par supprimer un des principaux, dont le nom m'échappe dans les médias, qui jouait double jeu. Que l'armée française finançait, etc. L'armée française là-bas était quand même très forte en coup tordu, si on veut. Alors on peut évoquer la bluite et ça s'inscrit dans cette stratégie de faire liquider le maximum d'opposants algériens incapables. La bluite était un système de désinformation où les agents français ont réussi à convaincre des dirigeants de maquis très réputés par ailleurs qu'ils étaient complètement infiltrés par des agents doubles, etc. etc. Et donc ces sommités, qui d'un côté sont des héros de la lutte d'indépendance, entre guillemets, qu'on a fait beaucoup. Hyper autoritaire a fait liquider. Il y aurait eu 4000 jeunes gens qui venaient d'Alger, qui avaient arrêté les études, etc., de liquider. Or, c'était ce qu'on appelle les forces vives. Pourquoi Bleuit ? Et ça s'appelait Bleuit, ça veut dire que c'était des bleus, donc des traîtres. Voilà. C'était censé être des bleus, donc des traîtres. Oui, parce que. Vous parliez de la volonté d'éliminer des cadres pendant la manifestation. Mais à ce moment-là, c'est le FLN qui tient, qui fait pour les négociations, etc. Le MNA, il y aurait eu une volonté du gouvernement français d'éliminer les relais français de la fédération, donc les cadres moyens, d'après ce que je ne sais pas si j'ai bien compris de ce que vous dites là. Les négociations, à ce moment-là, elles étaient légèrement suspendues, mais destinées à reprendre. Ça, mais avec le FLN, mais pas les mêmes forces. Si vous voulez, le FLN, il y avait le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Ils étaient à Tunis ou dans les grands hôtels. C'était des grands dirigeants. C'est eux qui étaient l'interlocuteur des grands dirigeants français, si vous voulez. À côté de ça, qu'il y ait une base sociopolitique active, influente, présente en France, donc susceptible de témoigner, etc., etc., et d'agir, de discuter par exemple les termes des accords de cessez-le-feu et de l'indépendance, des processus d'indépendance, il pouvait y avoir un objectif de la supprimer. Oui. Alors, ensuite, le GPRA lui-même s'est fait doubler par l'armée de l'extérieur avec des tractations un peu différentes, dont Benbella et puis. Vous parlez aussi, à ce moment-là, parce qu'on parle bien de la manifestation, vous parlez des Kabyles et de l'islam, des Kabyles, etc., mais est-ce que vraiment, à ce moment-là, il me semble que les Kabyles font surtout partie de l'ALN, et que politiquement, il y a beaucoup, beaucoup de non-Kabyles. Aujourd'hui, la différence, elle n'existe quasiment plus, à l'époque, ils sont en train de s'apercevoir que génétiquement, ils sont très naturels. Ah oui, voilà. Non, mais ça, on n'en parlait pas. C'est pas une mauvaise chose. Mais culturellement, il y a des langues différentes. Voilà. Mais quand même, le FLN était censé, n'est pas à majorité, on va dire, Kabyle. Les Kabyles ne sont pas une majorité en Algérie, mais en revanche, ils étaient une majorité dans l'immigration ouvrière en France. Ça, c'est sûr. Les Kabyles ou pas Kabyles, il y a quand même parmi les dirigeants, même anti-berbéristes, il y avait des Kabyles, des Kabyles, il y en a partout en Algérie. Et faire la différence, je veux dire, à ce moment-là, ça me parle un peu. En tout cas, c'est une communauté soudée. Moi, j'ai même entrevu à la fin des années 40 une tentative de comité démocratique kabyle créé à Paris avec 400 personnes, dont un agent. Qui est quand même un rapport policier sur quelque chose. C'était aussi anodin, 400 personnes qui se réunissent. C'est quand même, ça donne une idée de l'ambiance, de l'absence totale d'espace sociopolitique qui était celui de la communauté algérienne en France à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre. Et pendant, j'ai entrevu aussi des rapports de policiers, l'agent Intel. J'ai l'honneur de vous faire. Je vous joins un tract, en fait, c'est une affichette, FLN, Valjury, etc. Je trouvais sur le poteau à côté d'un café. Ça veut dire qu'ils avaient droit à rien pour eux. C'est monumental, enfin très très lourd, très très lourd. Et après le 17 octobre, la répression a continué jusqu'à l'indépendance contre les Algériens, mais bon, quand même, est-ce qu'il y a eu une décroissance, on va dire? Il y a eu une décroissance parce que ils avaient quand même arrêté 14 000 personnes, ils en avaient tué beaucoup parmi les principaux, parmi les militants, etc. Et là, il y a des rapports de la FF, de la Fédération de France du FLN, rapports internes. On a beaucoup de mal à reconstituer les réseaux, on ne sait plus rien, on ne voit plus personne. Ils ont été complètement démantelés. Et il y a des rapports policiers aussi évoquent que, en fait, c'était beaucoup des militants. Il y avait des ouvriers, mais beaucoup de militants, et c'est ça qu'ils recherchaient largement. Bon, et alors, ce qui fait qu'après, je pense que la Fédération de France a survécu extrêmement fragilisée, voire même à moitié boisson. Et puis ensuite, il y a eu le cessez-le-feu, puis le GPRA était sur le devant de la scène. Et puis derrière la scène est arrivé, après l'indépendance, la bulle de l'extérieur. Et ce qui fait que là, la Fédération de France est éliminée. Alors autrement, non, le harcèlement a continué jusqu'à la fin. J'ai même un rapport à Tom de Bailly, qui sera cité l'année prochaine, de l'ACTA, le syndicat, qui évoque des... au moment où les Algériens à Paris, dans le 18e, donc le Jourdain, etc., préparent la participation des immigrés au référendum d'autodétermination, la police arrive, met tous les dossiers en l'air, arrête des gens, charge avec un quart, donc des blessés, des morts, etc. Et ça, c'était en juillet. D'accord. Et après le 17 octobre, bon, ils ont blessé, tué, tout ça, mais est-ce qu'il y a eu des procès ? Des procès de... Contre des gens arrêtés ? Non. Ils étaient internés, point ? Oui, alors, une part a été relâchée, une part a été expédiée en Algérie. Ah, oui. Et là-dessus, le destin, on peut rien en dire, dans la mesure où certains, on sait que certains ont été assignés à résidence. J'ai vu le cas d'une personne comme cela, assigné à résidence dans sa commune d'origine, mais on sait que d'autres ont été remis aux forces interrogatoires de l'armée là-bas. Ah, voilà, bon, ce qui veut dire qu'après, on ne sait pas ce que. Voilà. Alors peut-être aussi les camps de rétention et puis les camps de ce qu'on appelle les camps de regroupement. Voilà. Ben, tu l'as évoqué, voilà, maintenant on va peut-être évoquer tes recherches, puisque tu as évoqué que tu avais un sujet personnel. Peut-être tu peux en dire deux mots. Donc, et notamment à propos des bouquins qui s'appellent les pseudonymes. Bien, je suis arrivé, disons, les documents sur l'histoire franco-algérienne en France, et puis ces recherches-là, cet essai de récapitulation, sont venus parce que il y a une certaine tendance à essayer de systématiser, de recouper ce qui se contredit, me gêne. Et mais c'est venu d'abord d'une recherche personnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas connu mon père. Il était militant à Nanterre de la Fédération de France. Et je pense avoir retrouvé sa trace. D'abord, c'est pour cela que j'ai consulté les archives de la préfecture de la Côte-Âge pour essayer, parce qu'ils ont une nomenclature, un listing d'un certain nombre de militants qui sont passés entre leurs mains. Bon, mais il n'y a rien sur ce nom, et encore, je ne suis pas tout à fait sûr, je veux dire, de la graphie française. Et il y a un lien, puis donc j'ai demandé pour me faire une idée sur l'anglais Sudidi, peut-être je trouverai sur le film Octobre à Paris de Panigin quelque chose dans leurs archives. Bon, c'est ça que j'ai demandé s'il existe un dossier sur ce film, et on m'a dit non, et c'est absolument impossible. Parce qu'il a été saisi, la copie a été saisie plein de fois, ce film a été évidemment interdit, même avant tout visa d'exploitation. Et Papon avait fait installer une salle de visionnage dans sa préfecture pour le voir. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu quelques rapports par-ci, par-là. Voilà. Et ensuite, ce film est ressorti que très longtemps après une heure de la fin de Clément Gauthier, le cinéaste, qui a porté des témoignages importants sur la guerre d'Algérie et l'Algérie colonisée. Il a fait une grève de la faim pour que tout soit définitivement interdit, l'interdiction de films pour raison politique. Après ça, j'ai pu ressortir. Bien, voilà. Il se trouve que un des militants intervenant dans ce film ressemble beaucoup à moi jeune, à mon fils jeune, etc. Ça m'a énormément frappé. Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai essayé de d'abord comprendre l'époque, l'ambiance. Alors, je savais bien, auparavant, je n'avais jamais publié rien dit, j'avais commencé à ces livres en 90, et ça me tétanisait. Je allais savoir pourquoi. Et là, je m'y suis plongé. Alors donc, les pseudonymes, j'essaie de reconstituer l'histoire de ce père. Et et dont l'évolution ultérieure, bon, ils ne se sont pas revus, elle était tuberculeuse, j'étais en nourrice, puis ensuite, pour me, elle a épousé un citoyen français de base, et ça a donné une histoire assez mouvementée. Donc, j'essaie de reconstituer leur parcours. Et le faux fils, en revanche, c'est la même histoire, mais du point de vue du fils, de son enfance. Je me dis, il était victime de... Impossible à savoir. Il a disparu ? Ben oui. Alors, si vous voulez, dans mon enfance, on a tout eu, et puis quand on m'a beaucoup menti sur tout ça. On peut taire et mentir, hein, selon le temps. Mais donc, c'est non, impossible de savoir. Alors, évidemment, à s'exposer comme jeune militant dans un film comme cela, saisi, bon, on peut penser, dans un secteur qui était vraiment avec des harcèlements constants, des rafles, etc., etc. Bon, j'espère pour lui qu'il est parti à un moment se cacher quelque part. Et le prénom Mohande, tu l'avais eu à l'état civil ? Oui, enfin, ta mère l'avait eu. Oui, l'état civil, c'est une histoire caricaturale. Mais en fait, c'est significatif de la façon dont, à l'époque, l'algérianité, c'était maudit. Non, l'état civil, là, effectivement, d'abord, me l'a donné, parce que ma mère me l'a donné, c'est le prénom de mon père. D'accord. Et Morand, ça se propose. C'est la forme qu'habite de Morand. Voilà. Mon beau-père, lui, a entamé une procédure pour qu'il soit arrêté. Et dans mon enfance, il me disait à l'occasion, l'administration, il t'avait donné un prénom arabe. Ils sont vraiment cons. Alors, ça, c'est un passe-droit extraordinaire, si j'avais envie, mais bon, je ne sais pas. Vous l'avez gardé ? Pardon ? Vous avez réussi à le garder, quand même ? Si vous voulez, comme il n'existait plus, mais à un moment, je l'ai fait remettre. Ah, bon. Et depuis, non, on me donne bien mes papiers avec tous mes prénoms. Ça passe plus facilement, tiens. Voilà. Et donc, le faux fils, c'est en miroir la façon dont ce que je crois pouvoir reconstituer maintenant a été perçu par l'enfant à qui on ne dit rien et qui ne comprend pas. On lui dit, mais pas. Voilà. Bien. Avez-vous d'autres questions ? Ben, moi, je vous engage à lire tous ces bouquins qui sont là. Ils sont pas très gros, donc c'est pas des gros pavés, donc vous pouvez tous les lire. Et puis, est-ce que vous avez des questions ? Sinon, on discute autour d'un verre. Ouais. On va faire ça. Donc, merci Jean-Louis Morand d'être venu spécialement de l'Aisne. Effectivement, ça peut se faire. Les traditions ont parfois du bon, elles ne sont pas toutes bonnes, mais il y en a des biens. Donc on se retrouve à côté, donc les bouquins sont là, si vous les voulez, vous pouvez les acheter et lire chez vous pour en savoir plus. Après, oui, le bouquin sur le massacre que tu recommanderais, c'est le Hénaudier ou... À part le tien. Non, bien sûr. De toute façon, c'est le dernier. Parce qu'au fur et à mesure que ces livres ont été. Le premier est paru dans les années 90, après il y a eu tout l'effet des procès Papon. Mm-hmm. Lui sont arrivés des témoignages d'anciens policiers, de petits conscrits, d'immigrés qui ont pu y participer. Et donc, il recueille un peu. Il recueille au fur et à mesure. Ce qui fait que la dernière édition, c'est celle-ci, elle est de 2011, et c'est collection Cavouer. Je ne dois pas être le seul, mais moi j'avais découvert cette histoire par le bouquin d'Anax. Oui, Meurtre pour mémoire, si je me souviens bien, en série noire. Donc ça passait quand même, il avait fait une histoire policière pendant les événements, mais J'ignorais évidemment, comme tout bon écolier, on nous a jamais appris ça à l'école. Et donc, je pense. Didier Deninck, c'est ça? Oui, Didier Deninck. Alors après, Didier Deninck, c'est quelqu'un qui peut être critiqué, mais là, je pense qu'il a fait un truc intéressant. Oui, ouais. Voilà. Autrement, alors, pareil, c'est le livre d'Emmanuel Blanchard qu'on peut tout à fait conseiller parce qu'il est important. Le titre, c'est La police parisienne et les Algériens de 1944 à 1962. C'est un livre paru en 2011. C'est un livre très détaillé qui montre bien comment a été organisée la ségrégation de manière planifiée. Voilà. Je vous remercie. Et ben, on attend le prochain livre.